cassée. Arrêtez de tout tuer. Au nom de la vie, au nom de la liberté. Oui, vous êtes les premiers, mais soyez toujours les derniers. Pour quelques grammes de délire, vous sautez en vie de vie, de vie. C'est le berceau, vous prenez ce que jamais vous ne rendrez. Pour vous plonger dans le néant, vous tous, les fondeurs de rêve, ouvrez les yeux sur la vie, afin que jamais ne finisse cette tombade vers le paradis. Arrêtez.